dodo aime pas les gens, ça l'empêche pas de leur parler. Il récite ses poèmes aux jeunes bambins, écrit aux oreilles de ceux qui se trouvent fins. La la la la, la la la la, la la la la. Ça l'empêche pas d'être respecté. Il vit dans une grotte qui a l'air climatisée. Il part en vacances dans ses beaux égouts privés. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Super Clodo aime bien manger, ça l'empêche pas de bien jeûner. Une côte de porc quand il a assez dans sa poche, et du foie gras dans les mêmes rêves qu'avec ses porches. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Super Clodo est très sympa, ça l'empêche pas de ne pas l'être. Il danse sur les tombes de tous les cimetières. Il dit à tous les morts que c'est lui leur vrai père. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Mon Dieu, c'est Super Clodo! Regardez-le! Super Clodo fait beaucoup de sport, ça l'empêche pas. Super Clodo, il est très fier, ça l'empêche pas de regretter ses belles années où il faisait zizi pampan, ses belles années où il était président. La la la.